En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 143 rue Dequin à Dolbeau-Missisquoi, au numéro de téléphone 88-276-9383 ou leremorque2000.com. Tout le personnel et la direction de BR Métal et sa filiale à Luco souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Grâce à des investissements de près de 1 200 000 l'an dernier, 40 emplois ont été consolidés dans le secteur, devenant par le fait même le chef de file dans le domaine. Joyeux Noël et bonne année de la part de BR Métal, situé au 353 rue Gustave Dessureau d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-5888. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5831. Des Saguenay de Chicoutimi, la date limite des transactions approche à grands pas. C'est demain, autour de midi, je pense, que les équipes auront plus le droit de transiger. Question de savoir davantage comment ça va. Il y en a une mineure hier, on en parle avec le descripteur des matchs des Saguenay à la Radio Énergie, Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut, Denis, ça va bien? Je me souhaite une bonne et heureuse année en passant. Beaucoup de santé, de bonheur, de prospérité. Je pense que c'est ça qui est important, hein? Et j'imagine quelques victoires des Sags. Mais ça va quand même bien, hein? Hey, on savait que c'était l'équipe la plus jeune, mais c'est la plus jeune au Canada. C'est quand même... Exactement. Ouais. Plus jeune au Canada, puis avec les transactions qui ont été faites et les autres qui s'en viennent, ça va encore une fois se rajeunir aussi pour les Saguenay. Le plan de match, c'était de bâtir avec la jeunesse pour aller d'ici quelques années dans les matchs de championnat. Mais avec ce qui arrive cette année, on est en droit de s'attendre à ce que dès la saison prochaine, les Sags font le saut dans le premier tiers du classement de la région. Okay. Donc, il y en a une quand même considérée quand même assez mineure, Samuel Billier, qui s'en va à Shawinigan en retour d'un choix de quatrième rang. Exactement, ça va lui servir dans le cas de Billier parce que, c'est un gars qui est peut-être pas le plus rapide des hommes, c'est un gars qui est capable d'être physique, qui a un bon lancer. Mais c'est pas le plus mobile des attaquants qu'on avait chez les Sags. Sur la grande glace, c'était peut-être pas son avantage. À Shawinigan, dans une équipe qui aspire aux grands honneurs, sur un quatrième trio, il va être assis dans la bonne chaise. Et j'imagine qu'il va rendre de très fiers services à la troupe de Martin. OK. Donc, est-ce que tu t'attends à d'autres choses demain? Je suis quand même assez surpris que Gabriel Paquin-Boudreau n'a pas été échangé. Est-ce que tu t'attends que lui va partir? Écoute, ça va être annoncé dans les prochaines minutes. Gabriel Paquin-Boudreau passe des Sags aux Olympiques de Gatineau. La transaction exacte, c'est avec un choix de troisième tour en 2017. Donc, Boudreau, plus un choix de trois des Sags en 2017, s'en va à Gatineau en retour du défenseur de 20 ans, Élie Bérubé, d'un choix de deuxième tour en 2016, puis un choix de quatrième en 2018. J'en ai une autre à t'annoncer, Garrett Johnston s'en va du côté de Batters. Puis tu sais, on avait payé un choix de quatrième tour des Wildcats de Moncton pour avoir Johnston. Ben, en plus d'un choix de quatrième tour qu'on récupère de Batters, ben, on a le choix de deuxième tour en 2016, les Tigres de Victoriaville qui se rajoutent à ça. Je crois dire que les gens est un maître dans l'art d'échanger 4-30 sous pour pas une pièce, mais des fois des 5 piastres dans la LA. Mais est-ce que tu es surpris quand même que Garrett Johnson, parce que l'équipe s'était stabilisée lorsque les Saguenay avaient fait l'acquisition de Garrett Johnson, là, surtout défensivement? Écoute, ça a été un succès, mais avec Élie Bérubé et l'arrivée des Olympiques de Gatineau, je pense que ça va probablement être le même type de joueur, peut-être même un peu plus offensif dans le cas d'Élie Bérubé que de Garrett Johnston. Puis, pour avoir parlé avec Yannick Jean récemment, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas l'impression que sa défensive est plus faible présentement avec le départ de Garrett. C'est un peu plate là, de l'échanger, mais l'offre qui était sur la table, on a payé un choix de 4 il y a plus de 2 mois à peu près. Là, en plus d'un choix de 4 qu'on récupère, il nous donne un choix de 2. Donc, merci Batters, merci Garrett, on est trop avancé dans la vie, puis c'est ça la deuxième. OK. Donc, c'est quand même intéressant pareil. Mais maintenant, si on y allait avec les matchs de la fin de semaine, c'était une défaite contre les Cataractes de Shawinigan. Ouais, mais une bonne défaite. Écoute, ça a été très, très, très bon match. Probablement un des meilleurs matchs de route des Sacs depuis le début de la saison. On jouait contre une très bonne équipe. Il manquait Anthony Desvilliers avec l'arrivée de Philippe Cadoret devant le filet. D'ailleurs, c'est un peu à cause de lui que les Sacs n'ont pas réussi à remporter un point, même deux, du côté de Shawinigan. Écoute, près de 40 lancés, 2 en 3 en avantage numérique. On a été disciplinés. On a très bien fait ça sur la route. Gabriel Ponquin-Boudreau a été très bon dans ce match-là. C'est un peu plate de le voir partir, mais ça fait partie du hockey. Mais ça a été un très bon match. C'est la première défaite en 5 rencontres pour les Sags, la 3e dans les 10 derniers matchs. Ça va très bien chez les Saguenayens. T'sais, au point, Yannick a dû poser la question, ouais, je vais te chercher un ou deux joueurs, essayer de faire une ronde supplémentaire en série, ouais, puis donner de l'expérience à mes joueurs et tout ça, mais regarde ce que les équipes de classement sont en train de faire. Il n'y a pas de place, je pense, pour une 8e équipe qui pense pouvoir avoir des chances de remporter les grands honneurs. OK. Philippe Cadoret s'en va à Shawinigan. Est-ce que tu es surpris de ça? Non, pas du tout. Parce qu'à Shawinigan, ça prenait un gardien. Puis à Bécomo, comme il n'avait pas joué depuis le début de la saison, puis que la saison est un peu déjà terminée pour le Drakkar, malheureusement, c'était juste une bonne chose, je pense, que Cadoret parte directement du Drakkar pour s'en aller avec les Cavaliers de Shawinigan. Et de ce que j'ai vu de lui dans le match de dimanche à Shawinigan, il est très, très, très mature à valeur d'un gardien de stature. Tu sais, la chef d'un goaler de la Ligue nationale. Tu sais, il va falloir peut-être qu'il soit un peu plus agressif autour de son filet. Il était quelques fois mou, mais le premier arrêt est toujours là. Il donne pas beaucoup de gros retours de lancer. C'est un gros bonhomme qui couvre bien ses angles. Peut-être une des pièces qui manquait au Cataract de Shawinigan pour revenir dans les équipes aspirantes, parce que je considère toujours que les Gatineaux du Val-d'Or sont en avant des Cataract de Shawinigan, mais il n'y a plus de talent qui habite cette équipe-là. Mais avec l'arrivée de Cadoret, ben, ça peut changer d'un coup. OK. Comme tout le monde, j'imagine que tu as jeté un bon coup d'œil sur ce qui s'est passé au championnat du monde de hockey. Oui, quand même. Très déçu de la performance de l'équipe Canada. Pas de là à s'en prendre. La une du Vancouver Sun qui parlait de Jake Virtanen, qui le traitait de chèvre sur sa première page de journal. Je trouve ça un peu intense, mais c'est ça, le championnat mondial de hockey junior. C'est pas un championnat mondial, on devrait dire que c'est le championnat du Canada. Parce qu'au Canada, c'est une religion. Dans les fêtes, depuis que je suis tout petit, j'aimais ça quand c'était en Europe, ça m'évitait de passer trop de temps avec ma grand-mère quand j'étais jeune. Il y avait des matchs le matin puis l'après-midi. Quand c'est au Canada, c'est le soir, on a enfin un gros show. C'est gros, équipe Canada junior. Cette année, ils ont fait patate et de façon assez magistrale. On avait amené une équipe jeune en essayant de bâtir pour l'année prochaine quand les finales puis le tournoi sera disputé au Canada, à Toronto. Ouais. Et à Montréal l'an prochain. Mais il manquait des pièces maîtresses dans cette équipe-là. Entre autres, les gardiens de but n'ont pas fait le travail. On a été indisciplinés. Moi, je ne mettrais pas le blâme sur les joueurs. Je mettrais plutôt le blâme sur le groupe d'entraîneurs. Un petit tournoi comme ça, si tu n'es pas capable de freiner les ardeurs de certains de tes joueurs quand tu remontes de l'intensité, c'est pas de la faute aux joueurs, c'est de la faute des coachs. Donc, le blâme va à ce groupe d'entraîneurs. Peut-être qu'on va redonner la chance à un entraîneur québécois l'année prochaine. En plus, la finale aura lieu à Montréal. Pourquoi pas Benoît Groulx de retour derrière devant l'équipe du Canada junior l'an prochain. C'est le dernier à avoir remporté la médaille d'or. Il mériterait d'avoir une deuxième chance et de se faire valoir à la maison, chez eux, à 2h les Gatineaux, dans le Centre Bell pour la finale Canada-États-Unis. J'ai parlé à Gilles Bouchard dans le temps des fêtes, Sébastien. Puis Gilles Bouchard, c'est que c'est, j'y parle parce qu'il vient de Normandie, évidemment. Et oui. Il fait partie du programme de Hockey Canada. Lui, c'est les moins de... On est un, les gens encore, il n'y a pas beaucoup d'expérience dans la LGMQ, ce serait peut-être de le mettre un peu plus vite à la tête de l'équipe, comme un entraîneur adjoint, n'importe quel. Il est en train de faire des miracles à Gatineau, coach très bien, c'est une équipe qui est très bien menée par un gars de la Réunion en plus. De ce que je vois de Gilles Bouchard, dans les prochaines années, ça va en être un à surveiller dans le programme d'équipe Canada. Et Dominique Ducharme aurait une place à la tête avant, je pense, que Gilles Bouchard, parce que ça fait plus longtemps qu'il est dans le championnat de Montréal, tout ça, puis il a demandé une hiérarchie à respecter, pas toujours d'accord avec ça avec l'équipe Canada, mais il faut que tu fasses tes classes dans le programme. Gilles Bouchard, il est trop tôt pour l'année prochaine. Et d'ici 5-6 ans, je serais pas surpris de le voir à la tête de cette équipe-là. OK. Donc, cette semaine, les Saguenayens? Cette semaine, ben, jeudi, encore le Drakkar de Bécomo, Saint-Georges-Vézina. Samedi, c'est l'Armada de Blainville-Baudrillard. Il y a des belles promos, les gens du Lac, vous êtes invités à venir au Saint-Georges-Vézina. On fait tirer une motoneige, d'ailleurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter au Saint-Georges-Vézina, vous remettre un coupon. Vous avez une chance de remporter la motoneige qui sera tirée dans le cadre du 3000e match en saison régulière des Sacs. Puis le 3000, on sera sur la route, mais ça s'appelle 3000 matchs, ça se fête. c'est déjà débuté. Donc, juste à se présenter au San Jorge Vizna, puis vous avez une chance de remporter une matinée. Sébastien, j'ai parlé avec Richard Martineau, Richard Letourneau, le président durant la période des fêtes. Puis j'y parlais que Manny, ce serait peut-être bon d'avoir également faire une. Tu parlais du haut du lac, de faire peut-être axer le marketing également sur le haut du lac Saint-Jean, Saint-Félicien, Alma, Dolbeau, Mistassini. Je pense que j'ai frappé un coup de circuit parce que j'ai allumé des petites chandelles là-dessus. Parce que, tu sais, il y a 20% des gens au marquis qui viennent du lac Saint-Jean, hein. Donc, c'est une belle clientèle à aller chercher. Le lac, c'est un peu plus difficile. Tu sais, les Marquis, les Jonquières, il y a encore un 15-20 minutes de route que tu sauves en t'en allant à Jonquière. Chicoutimi, ça paraît des fois un peu plus loin pour les gens de Belbeau, dans ce coin-là, qui descendent pour voir un match d'hockey junior. Mais dans le futur, c'est sûr que ça va être fait. Premièrement, tu sais, Danny, il y avait des lacunes côté marketing, même dans le marché de Chicoutimi. Ouais. Donc, on va commencer par reprendre les lettres de noblesse dans la cour autour. Et c'est sûr et certain que les gens de Haute-Lac vont être inclus dans nos bonnes grâces dans les prochaines années chez les Sags. C'est l'équipe d'une région, les Techniques Chicoutimi. Ça va le rester. C'est le programme de hockey le plus prestigieux de la région. On essaie de redonner les lettres de noblesse à ce logo-là, qui est très important pour la région et particulièrement pour les gens du Haute-Lac. Mais tu sais, on est allé faire des présentations des joueurs à Alma cet été, avant le début de la saison, puis il y a des gens d'Alma qui nous disaient, qu'est-ce que les Techniques Chicoutimi font à Alma? À un moment donné, il va falloir peut-être oublier que c'est Saguenay-Chicoutimi, mais que c'est l'équipe de la région, puis que le logo, si on le regarde comme il faut, c'est un bleuet. Le bleuet de son emblème régional. On est très fiers. Sébastien Morin, on s'en parle mardi prochain à la chronique des Saguenay. Salut, Danny. Tu m'as souhaité bonne année. Ben, je souhaite bonne année à tous les Merci beaucoup. Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenay.